juste avant, tu marchais devant moi. Je suis seule et je ne peux rien faire. Je sais bien que c'est long un hiver. Alors j'ai peur de ne jamais te retrouver dans ce décor qui a changé. De suivre ton chemin. Sans trêve, sans trêve, je l'avoue. Pendant des heures, je t'ai cherché en vain. Et soudain devant moi j'ai compris, en voyant quatre pareils. Trop beau pour avoir du chagrin.